Au microphone, veut la comme une bite en érection. Poison Alino, zone. Mais qui peut test? Qui peut test? Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poils négro dans une carte. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire, tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poils négro dans une carte. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire, tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. On gère le tarfé, le canal abri d'une taupe. Chez nous, ceux qui deal pour le fric partent en calèche à cause d'une taupe. Mec au quartier, c'est un lèche, mais ce qu'on pas coffré d'autres. Avec ou sans paluche, à la barre pour le juge, on refait. Soit les putains gruges, la matrice. Et ouais, voyou, c'est bien le cadavre d'une pute, plein de cicatrices qu'on trouve dans le bayou. Le monde est si triste, difficile à cerner. Mais sans balance sa mère, pour chaque délit, personne serait concerné. On applique nos lois, Jab nous trouvera une raison. Donc rien à secouer d'être insolent, poison. Ici les plus forts, plus les chaînes. C'est pas ceux qui l'ouvrent, sa mère au poste, mais qui tiennent. La riposte sera chaude, bouillant. Dans le hall, on attache des pogaves avec des chaînes chaudes, criant d'un mal des trompes. Grosse pute, pompe, la justice rompe. Mais qui nous trompe, dans la rue, dansera sous le champ. Du pussy à pompe, pompe. Balance, traite qui tu sois, on aura ta tête. Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poils négro dans une carte. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire, tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poils négro dans une carte. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire, tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. Prends-moi mon flingue, cache les suspects. Préfère tirer sur les traîtres que les traiter. Préfère marcher seul que mal accompagné. Bande de bâtards, vous voyez pas que j'ai trouvé le panier. J'aurais aimé être nettoyeur d'hypocrite. Et à 16 ans, ce que je vous souhaite, c'est d'attraper l'arthrite. Ma franchise me sert de gilet pare-balles. Et t'étonnes pas si tu trouves un trait de blé de balle. Après ce son, vous serez tous moi en tête. Y'a qu'au diable à qui pourrait te manquer de l'aide. Regarde parfois si la zone n'est pas sous ton bed. T'inquiète pour vous fumer, je viendrai en lapidus d'aide. Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poils négro dans une carte. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poils négro dans une carte. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. Tirape la ventre, soulève comme à Bagdad. Fais mal comme un slas qui rentre. Ferme ta gueule, règle des ambiances bad. Je vais derrière les balles et toi devant tes têtes. J'arrive scratch, réagis comme un trait pour te crêper ton pile. A cause de toi, les keufs vont me casser les couilles pour des tentatives de meurtre. Ça balance, on va te douiller. Même ta vie douillée au rappeur. On a grillé ton fil, c'est tes fils. On va t'accrocher derrière le bus. Tu finiras à coups de brique. Fils de pute, t'as fait tomber mes frères. Tu vas marcher sur les braises, négro. Et en plus, tu veux pas taire. T'as pu dans la baisse. Ah ouais, qui paraît d'être la bague. Tu kiffes quand tu nous braques. Tu crois qu'on va plus bicrave notre crâne. On va te ragasse, on va te laisser à poil. Vas-y par toi petite pute. Tu rases les murs quand tu le vois. Poison zone, Alino 3 jeunes tu vois. Qui te met des patates ton balboa. Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poil négro. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. Quand tu nous vois, un conseil sans ce trottoir. On va te planter de les poil négro. Même après ta pile de prison, 3 siècles plus tard. En mémoire tous ceux que t'as balancé, on va recaler le pétard. Mon frère, faut les brûler les poucaves là. Dès tu croises un poucave, nique-le sa mère. Poison Alino zone. N'aime pas les poucaves. Hey Benny, dis à ton frère Caballera que ce fumier de Paraíba est en train de balancer tout le monde. Et que moi je me casse de la favela.